Le monde est un village. Sur la première. Dans Le monde est en village, nous avons établi une liaison entre Bruxelles et Madrid. À Madrid nous attend Juan Antonio Vázquez. Il nous donne ponctuellement des nouvelles de production ibérique, donc qui concernent l'Espagne ou le Portugal. Bonsoir Juan Antonio. Si j'ai bien compris, c'est donc le Portugal qui va nous ouvrir les bras dans un premier temps. Bonsoir Didier, bonsoir les amis. Aujourd'hui, l'équipe de Mundofonías vous propose un très vibrant projet qui vient du Portugal. C'est le trio Charanga qui utilise tant d'instruments acoustiques, violon, cornemuse, comme d'éléments électroniques. C'est le nouvel album de Charanga depuis Portugal, composé d'instrumentaux et chansons qui mènent la musique portugaise un peu plus loin. Maintenant, nous voyageons de l'Atlantique vers la Méditerranée pour écouter le nouveau disque d'un projet né à la ville de Valence, Krama, qui en grec veut dire « alliage ». Et c'est un musicien grec, Spyros Kaniaris, qui a donné vie à Crama. Spiros joue la guitare flamenca à 8 cordes, la lyre pontique et les sarangis indiens. Ce nouveau disque est consacré au poème de Costas Kariotakis, traduit au catalan par Jesús Cabezas Tanco. Merci pour cette livraison, Juan Antonio. J'espère que vous avez une température plus clémente à Madrid, à Bruxelles. Il commence à faire frais. À très vite pour d'autres productions vocales ou musicales ibériques. Ce fut un grand plaisir et nous espérons de retourner prochainement avec plusieurs musiques ibériques, nouvelles et surprenantes. Jusqu'à ce moment-là, nous rappelons notre site web Mundofonias avec F. Pour retrouver les infos de ces musiques et aussi écouter toutes nos émissions. À bientôt. Ouais, et à demain en ce qui nous concerne avec ZS, notre invité. La première.